comment on veut que bisème l'amour. Si dans la cour on a la haine, impossible m'a dit à où je t'aime. Si la finchi à mon marraine, la dit à moi, il faut pas donner. Mais n'a des choses mi gagne pas, ma mettre dedans la main bon Dieu. N'a fait y'a belle karma. Li aime pas moi, pour autant m'y connaît pas li. Il fait rien, toute façon ça pas mon famille. Il sert à rien d'être jaloux ton prochain. Car on connaît bien le refrain, la roue il peut tourner demain. Comment on veut que mi s'aime l'amour, si dans la cour on a la haine. Impossible m'a dit à où je t'aime. Si la finchi à mon marraine, la dit à moi il faut pas donner. Mais n'a des choses mi gagne pas, ma mettre dedans la main bon Dieu. Mais n'a fait y'a belle karma. Avouer nain deux autres techniques les fins. Il veille le mouille au béant sous-marin. Zon et nazot, forme seulement, zot y veille forme zot voisin. Pareil en fou, moins midi mérite à se plaindre. Comment on veut que mi s'aime l'amour, si dans la cour on a la haine. Impossible m'a dit à où je t'aime. Si la finchi à mon marraine, la dit à moi il faut pas donner. Mais n'a des choses mi gagne pas, ma mettre dedans la main bon Dieu. Mais n'a fait y'a belle karma. Si nous toutes n'avait l'entente, si nous de l'île, nous t'es pas obligé, râle le train pour des choses futiles. N'est n'a bon pésote mentalité, fin arrive stérile. Ça te fait pis forcer seulement, ça t'y fait la zone facile. Comment on veut que mi s'aime l'amour, si dans la cour on a la haine. Impossible m'a dit à où je t'aime. Si la finchi à mon marraine, la dit à moi il faut pas donner. Mais n'a des choses mi gagne pas, ma mettre dedans.